Thank you. Si Rick aime bouger, c'est la chanson où il faut se mettre devant. Thank you. Bon, ça va ou quoi? Oh, Yeah. on va laisser la place à Mela Knows Ice Cream. Et merci à tous d'être venus. Et après, c'est Marcel Sky. Merci à l'Hérétique, merci à Chinois, merci à vous. Merci à Marcel Sky et Olivier de nous avoir fait venir ici. Et on joue le 15 mars. Donc jeudi prochain au complexe avec les Starship Brothers et Jetty Vertigo. Ouais, ouais, ouais, ouais.